Arty Street, Affis baisse, les rues s'enflamment. C'est le staff Aliman, Marcy City Online. Nouvelle recrue de patron, nouvelle guerre du pétrole. Faut que les rues s'enflamment des quartiers nord, sud, est, ouest jusqu'à Notre-Dame. Faut que ça s'enflamme. Protège ton âme avant tout crame. Nouvelle recrue de patron, nouvelle guerre du pétrole. Faut que les rues s'enflamment des quartiers nord, sud, est, ouest jusqu'à Notre-Dame. Faut que ça s'enflamme. Protège ton âme avant tout crame. Fais gaffe, on a les armes, on a le style. Sans être star, écrit en extra. Au nom du staff, sans cockney extra. Y'a pas de mytho de gangsta. La rue nous a poussé dans les stars. Tout le monde dans les stars. Et connard qu'est-ce que t'as castagne de braquer après basta. Écrase-la. Marseille City, décorce passe-la. T'embrasse l'âme. Les rues s'enflamment et la chaleur du corps sans femme. Technique sans faille, comme l'injection des types qui s'envoient. Sans voix, sans froid, c'est pour les sans-bois. Les jeunes qui luttent, ils s'envoient. Les potes hors la loi. Les larmes des mères au parloir, peu par mois. Sur terre, y'a beaucoup plus à plaindre par moi. La mort ton magma. Ça crache dans ton Walkman. Normal au contrôle pendant que les traites marquent mal. Font tout pour la maille. Dehors, j'rappe à la marmaille. Cause ça me mastermind. Depuis le temps où j'étais pas mal. Nouvelle recrue de patron, nouvelle guerre du pétrole. Faut que les rues s'enflamment des quartiers nord, sud, est, ouest jusqu'à Notre-Dame. Faut que ça s'enflamme. Protège ton âme avant tout crame. Nouvelle recrue de patron, nouvelle guerre du pétrole. Faut que les rues s'enflamment des quartiers nord, sud, est, ouest jusqu'à Notre-Dame. Faut que ça s'enflamme. Protège ton âme avant tout crame. Condé Camé, fille de luxe et les tox dance. Coupé caresse, le chrome finissent cramés. Trop de criminels par défense ou par défense. Bref, ça sent le souffle. Y'a comme un parfum d'essence dans l'air. De l'or sur les dents serrées. Samedi soir, danse avec les récidivistes dans le cercle. Hip hop investi dans sérieux, il faut que tout crame. Aliment des boires que les rues semblent fort. Tous réclament le calme lorsqu'on fout le feu. Ou qu'enfin la roue tourne fou. Planque ton shit, mec, ton. Ici, trop de mecs tombent sur le compte du mec. Tout bon baba. Aliment des boires, sème le trou jusqu'au dom-tom. Tant que mes man donne tout pour se rester là-bas, on fait le maximum. Et fuck, si les rues s'enflamment, Babi, le sang divin d'un bagarre. Nouvelle recrue de patron, nouvelle guerre du pétrole. Faut que les rues s'enflamment des quartiers nord, sud, est, ouest jusqu'à Notre-Dame. Faut que ça s'enflamme. Protège ton âme avant tout crame. Nouvelle recrue de patron, nouvelle guerre du pétrole. Faut que les rues s'enflamment des quartiers nord, sud, est, ouest jusqu'à Notre-Dame. Faut que ça s'enflamme. Protège ton âme avant tout crame. Un son pour que les rues s'enflamment. Car sur but on reste infâme. Tu connais nos villes, là tu ne suis sûr que c'est le même drame. La même merde et les mêmes rues, même ruse. Partout pareil, le mal, les frères se ruent. On a tous les mêmes besoins, ici les mêmes rêves. C'est pas une question de couleur, à part si t'es billets dans ta poche. Après cette guerre, on mérite la même trêve. Du nord au sud, la même et je représente le 13. Représente le malaise, des millions quotidiens. Tu sais les jeunes qu'on baisse. Ceux que tu vois à la télé dans des quartiers, assis sur une chaise avec du barreau. Dans la Cortez, la bave à la bouche. Le choix de savoir a fait mouche. J'ai plus de voix pour la droite qu'on met le tchat droit. Un George Bush. C'est ça la France d'un bab. Et la merde, on va finir avec un Glock et un bar. Tous dans la nouvelle merde. Nouvelle recrue de patron, nouvelle guerre du pétrole. Faut que les rues s'enflamment des quartiers nord, sud, est, ouest jusqu'à Notre-Dame. Faut que ça s'enflamme. Protège ton âme avant tout crame. Nouvelle recrue de patron, nouvelle guerre du pétrole. Faut que les rues s'enflamment des quartiers nord, sud, est, ouest jusqu'à Notre-Dame. Faut que ça s'enflamme. Protège ton âme avant tout crame.